Seigneur, ne me châtie pas dans ta colère. Ne me punis pas dans ta fureur. Aie pitié de moi. Je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort nul ne se souvient de toi, dans le séjour des morts qui te louera, je m'épuise à force de gémir, toute la nuit je baigne mon. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. Tous mes ennemis seront couverts de honte, ils recueilleront saisis d'épouvante en un instant.